Maxi Sud. Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Favre, je suis maire de Castanet depuis 2014. J'ai été réélu en 2026, hein, au mois de mars. Donc la commune de Castanet, il y a 550 habitants. Elle est sur deux sites, deux villages, Lardeyrolle et Castanet. C'est un peu deux lieux, deux bassins de vie. Castanet, c'est plutôt un bassin de vie sur Rupérou et Lardeyrolle, un bassin de vie sur Baraqueville. Voilà, donc aujourd'hui, on est en pleine réflexion d'arranger l'église de Castanet qui a des défauts de structure, des problèmes d'humidité. Donc il est urgent un peu de faire les travaux par rapport à cette église. Et on a avec l'association du patrimoine qui s'est montée il y a 2 ou 3 ans, on a passé une convention tripartite avec la Fondation du patrimoine pour faire les travaux dans cette église qui sont assez urgents. Voilà, donc, Il est important de préserver ce patrimoine local. Oui, bien sûr, parce que c'est au niveau architectural déjà, et puis l'église, c'est quand même le cœur du village. C'est là où se réfèrent un peu les habitants par rapport à cette place du village. Et si c'est un peu, si on arrange l'église, de suite ça redonne vie au cœur du village. Voilà. On peut situer également le village de Castanet qui se situe entre Rieupérou et Baraqueville. Oui, il est entre Baraqueville et Rieupérou. On est à proximité maintenant de la RN 88 qui c'est la 2x2 voies. Donc on a aujourd'hui au niveau attractivité, vu qu'on est qu'à 10 minutes de la 2x2 voies, donc on sent qu'il y a pas mal de nouveaux, des néo-ruraux qui viennent s'installer chez nous. Voilà. Et un milieu agricole très riche également. Oui, il y a encore une dynamique agricole, bien qu'on ait des problèmes aujourd'hui de transmission des terres agricoles, mais encore il y a une certaine dynamique au niveau agricole. Alors, je me présente, je suis Geneviève Ricard, habitante de Castanet, soucieuse de la conservation du patrimoine de la commune. De ce fait, j'ai mobilisé certaines personnes pour monter cette association et faire avancer le projet. Comment cette association a vu le jour ? Cette association a vu le jour parce que le devant de l'église a été dégradé. Et on a dit qu'on ne peut pas retaper le devant de l'église sans monter un projet global pour retaper vraiment, faire des devis et faire une étude pour remettre notre église en état. Donc au-delà de l'église, vous vous occupez de tout le patrimoine du secteur de Castanet. De la commune, oui. Oui, parce que c'est vrai que uniquement l'église, ça peut gêner certaines personnes ou freiner certaines personnes. Le patrimoine, ce n'est pas que l'église. C'est tout ce qui existe dans la paroisse, dans la commune. Parce qu'on a deux paroisses. Il y en a deux églises et une chapelle. Donc il faut que le village se mobilise aussi. Il faut que le village se mobilise, toute génération confondue. Quand on lit sur les vitraux tous les donateurs, parce que les familles ont donné pour les vitraux, pour tout le mobilier de l'église, pourquoi pas. Même le calvaire a été offert par les jeunes de l'époque. C'est assez. Il y avait une plaque qui a disparu, mais bon, on ne le sait pas. On le recherchera, hein. On le retrouvera. Alors un petit mot par rapport à l'événement d'aujourd'hui, avec beaucoup de monde, et puis un événement majeur pour l'église de Castanet. C'est un événement majeur parce que ça prouve que les gens se mobilisent quand même. Et puis, passer une convention, c'est quand même quelque chose. Hein. Parlez-nous de cette convention. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ah ! J'ai pas eu le temps de le lire. Je l'ai signé, j'ai pas eu le temps. C'est des aides. Ils nous aident à récolter des fonds. Pour l'aménagement de l'église ? De l'église, actuellement. Voilà. Tout en gardant une certaine authenticité du lieu ? Voilà, et oui, voilà. Voilà, un petit mot par rapport à l'actualité de l'association. Je sais qu'il y a eu un kin qui a eu un gros succès. Est-ce qu'il y a d'autres événements à venir ? Eh bien, il y a les journées du patrimoine. Les journées du patrimoine. Le kin est prévu chaque année le troisième dimanche de mars. en principe. Et puis après, la journée du patrimoine, pour rassembler les gens. Notre historien nous trouve toujours, nous fait une conférence ce jour-là. Et puis, il y a le repas qui rassemble et qui nous permet de tenir les gens au courant de l'association. D'accord. Et puis pour les touristes ou les personnes qui passent entre Rieupeyroux et Baraqueville, hein. Alors là, on a un projet. On a des projets avec peut-être un QR code, un aménagement du jardin à côté de l'église qu'on n'a pas ouvert aujourd'hui parce qu'il n'est pas en état. Je suis Patrice Mouche, je suis délégué départemental de la Fondation du patrimoine. Alors, délégué thématique, c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est mécénat, donc les projets portés par des collectivités ou des associations. Voilà. Et donc aujourd'hui à Castanet, ben, nous avons la chance, comme plusieurs fois par année, puisque nous avons en moyenne 20 projets par an qui rentrent dans le cycle des projets qui sont accompagnés par la Fondation du patrimoine. Donc pour signer une convention de partenariat entre la mairie, la Fondation du patrimoine, et ce qui est très important, c'est le cas à Castanet, par une association d'amis du patrimoine local. La Fondation du patrimoine accompagne la restauration du petit patrimoine, de ce patrimoine qui fait notre quotidien. Le four à pain, le lavoir, l'église, etc., qui nous entoure. On l'a évoqué d'ailleurs tout à l'heure, hein, c'est l'église dont la pendule et où les cloches rythment encore aujourd'hui le temps des personnes qui vivent autour. Et donc, c'est très important. Alors, comment on fonctionne? Ben, on fonctionne, on est relais de l'État, puisqu'une fondation, c'est un partenariat entre le public et le privé. Donc, on est relais de l'État pour engager les défiscalisations de l'État auprès de tous les donateurs qui sont intéressés par leur patrimoine, qui vont, dans un geste généreux et historique, donner pour la restauration de cette église de Castanet et qui pourront en contrepartie défiscaliser 60% de leurs dons si ils sont une entreprise, 66% si ce sont des particuliers et 75% pour les heureux bénéficiaires, j'allais dire, de l'impôt sur la fortune. Père Marek Malk, curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste du Ségala. Donc Castanet fait partie de cette grande paroisse qui était instaurée dans l'année 2000. Alors depuis cette paroisse contient 21 églises. Donc Castanet fait partie. Et ce n'est pas seulement un centre ou un monument historique, mais surtout le centre aussi de spirituel, qui n'est pas, malgré le nombre de prêtres qu'ils ont diminué, et c'est aussi le lieu de culte où les gens se rassemblent surtout pour les sépultures locales. Mais on ne manque jamais de célébrations qui marquent l'étape de carême, de préparation de Pâques, aussi quelques baptêmes, aussi quelques mariages, parce que l'église locale fait partie aussi de cette réalité de vie ensemble, locale, c'est-à-dire le mariage fait partie, les sépultures font partie, c'est la vie, c'est la joie, c'est la peine. C'est le quotidien. Alors, je suis très heureux qu'il y ait l'initiative aussi pour mettre en état ce lieu qui sert pas simplement pour visiter, mais aussi pour se rassembler, pour prier. Alors, je suis Nicolas Sainte-Fargarneau, historien de l'art. J'ai été pendant plus d'une vingtaine d'années conservateur du musée Jacques Marandré à Paris. Et je suis toujours très intéressé par l'histoire. Voilà, 40 ans que je suis résident dans la commune de Castanet. Et bien entendu, quand j'ai entendu parler des soucis qui concernaient l'Église, mais plus généralement d'ailleurs, à partir du moment où les manifestations en septembre pour les journées du patrimoine se sont développées, alors j'ai proposé ma contribution. Et donc c'est comme ça que petit à petit, j'ai fait des recherches historiques sur la commune et que je continue d'ailleurs à le faire. Alors sur le plan historique, que peut-on découvrir sur cette commune de Castanet ? Voilà, c'est assez paradoxal parce que on pourrait dire que c'est une petite commune comme il y en a tant d'autres dans le pays. Et puis, en fait, quand on gratte un petit peu, eh bien, il y a toujours quelque chose d'intéressant à découvrir. Alors, vous voyez, par exemple, on s'est intéressé, il y a de cela quelques mois, au calvaire qui se trouve sur les bords de nos routes, dans tout le territoire, et on savait absolument rien, on savait même pas le nombre. On est arrivé à plus de 84, vous voyez, oui, c'est très étonnant. Et en fait, c'était le résultat à la fois des dévotions de chaque propriétaire des parcelles, mais aussi des missions qui ont été faites au 19e siècle, parce qu'on trouvait que le département était pas assez croyant. Voilà, alors il y a eu des missions qui ont été faites pour sensibiliser les gens sur sur la religion. Et c'est ça qui explique en partie la présence si importante de ces calvaires sur nos routes. Et puis, on a fait différentes animations. On s'est aussi intéressé sur la place du village. Il y a un bâtiment qui a été successivement, on l'a dit, prieuré, ce qui n'est pas tout à fait exact, mais ça a été certainement une maison aristocratique. Et puis ensuite, c'est devenu une école de jeunes filles, parce que, vous savez, dans le pays, il y avait une répartition très équilibré, c'est-à-dire que les hommes allaient, enfin les garçons allaient à l'école communale et les filles allaient à l'école catholique. Et donc ici, à Castanet, en 1866, ce sont les religieuses de la Sainte Famille qui sont venues s'installer pour mener cet enseignement pour les filles de la commune. Alors évidemment, ça a été un petit peu modifié en 1905 avec la séparation la loi de séparation de l'Église et de l'État. Et puis après, ce sont les religieuses déléguées de Gramont qui sont venues pour faire l'enseignement, parce qu'elles avaient l'autorisation de le faire. Et c'est resté comme ça jusque dans les années 1960. Et à ce moment-là, les religieuses de la Sainte Famille, qui étaient toujours propriétaires de l'endroit, ont vendu, parce qu'il n'y avait plus d'activité. Finalement, les filles et les garçons allaient à la même école. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu... les bâtiments ont été vendus, c'est devenu une propriété privée. Il y a eu plusieurs propriétaires, et aujourd'hui, c'est une famille qui habite le pays et qui l'a restauré. Mais il y avait quantité d'incertitudes sur certaines périodes. Et donc, là aussi, j'ai commencé à travailler. L'idée, si vous voulez, c'est tout simple. Voilà, on a cette petite place devant l'église. Il y a le calvaire, il y a cet ancien prieuré, et puis il y a l'église. Et donc, l'idée, c'est de faire peut-être, si vous voulez, une zone avec les techniques d'aujourd'hui, un QR code, et les gens qui viendront se promener et visiter la commune, s'ils se branchent sur le QR code, eh bien, ils auront le défilé de toute l'histoire de ces différents bâtiments. Voilà. Alors, c'est du travail pour les années qui viennent. Voilà, donc aujourd'hui, un nouveau travail pour la commune de Castanet, puisqu'avec la Fondation du patrimoine, je dirais, on préserve l'église de Castanet. Oui, alors, si vous voulez, on avait déjà remarqué depuis quelques années que, notamment sur les côtés latéraux, il y avait des fissures. Et alors on a fait venir l'architecte, il a regardé ça et bon, il a dit qu'il fallait intervenir. Et à ce moment-là, on s'est aperçu qu'on ne savait strictement rien sur l'histoire de l'Église. C'est pas tellement au départ l'intérêt historique, mais on s'est dit, avoir des éléments qui nous permettent de savoir, par exemple, quand c'est construit, comment ça a été fait, c'est utile pour les architectes et les maçons aujourd'hui pour faire leur travail. Donc on s'est dit, ouais, on va. Et là, on m'a demandé si je pouvais aller chercher pour retrouver des informations. Donc je suis allé à Rodez, aux archives départementales, je suis aussi allé aux archives diocésaines, et j'ai recueilli tout ce que je pouvais, découvrir comme information. Et donc, je me suis aperçu à ce moment-là que c'était une histoire tout à fait singulière et que ce bâtiment qui a l'air, ni plus ni moins qu'une église de la commune de Castanet, comme il en existe des dizaines de milliers dans toute la France, en réalité, il y avait beaucoup plus que ça. Il y avait des tas d'éléments très originaux, notamment le fait que pendant... très longtemps, quand je dis très longtemps, c'est-à-dire probablement depuis le XIIe siècle jusqu'au XIXe siècle, cette église, c'est un prieuré. C'est pas une église paroissiale. Voilà. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, parce que les aspects documentaires, réglementaires, tout ça, bon, c'est pas le lieu de le développer. Mais à l'inverse, ce qui est très intéressant, c'est que le prieur, c'est-à-dire en réalité le responsable religieux de l'église, c'était un chanoine de la cathédrale de Rodez. Et alors... ça nous renvoie à un autre aspect très intéressant, c'est-à-dire que juste avant la Révolution, le prieur de Castanet, c'était l'abbé Grimaldi, c'est-à-dire la même famille qui aujourd'hui règne sur la principauté de Monaco. Alors, ils ont toujours été attachés, ils ont toujours eu des biens en Aveyron. Et donc, cet abbé Grimaldi, il a fait le recueil de toutes les donations, tous les privilèges, tout ce qui concernait les églises de ce qui est aujourd'hui le département de l'Aveyron. Et sur Castanet, évidemment, ça l'intéressait directement, il a trouvé quantité de documents dont il fait référence. Et ces documents montrent que, à différentes époques, au XIVe, au XVe siècle, ce sont les maçons, les entrepreneurs qui travaillent sur la cathédrale de Rodez, qui viennent à Castanet pour s'occuper de l'église. Ça veut dire que cette église, c'est une petite succursale de la cathédrale de Rodez. Et ça, on ne le sait pas du tout. Donc, vous voyez, on gratte et on découvre cet aspect tout à fait singulier. Alors, ça me fait penser d'ailleurs à quelque chose d'assez curieux. L'évêque, dans son diocèse, c'est-à-dire le territoire sur lequel il avait autorité, il devait faire des visites de toutes les églises qui dépendaient de lui. Et il est venu à plusieurs reprises au XVIIe siècle. Et par exemple, en 1634, il vient avec, entouré de toute une série de personnes, et bizarrement, il vient avec un peintre. Alors, il fait la visite de l'église, il trouve qu'elle est très propre, bien tenue, il vérifie les registres, il voit que les baptêmes sont nombreux, donc il est très content, et il dit « oui, mais... je voudrais que on remplace le tableau du maître-autel, qui était un retable gothique. Et on va le remplacer par un tableau moderne, et c'est le peintre qui était à ses côtés qui va le faire. Ce tableau, on connaît le sujet, c'était une crucifixion, donc le Christ en croix avec la Vierge d'un côté, Saint Jean de l'autre, et bien sûr, un personnage qui à l'origine n'y était pas, mais ça se justifiait là, Saint Jean-Baptiste, puisque l'église était sous le patronage de Saint Jean-Baptiste, donc il fallait le rajouter. Alors malheureusement, ce tableau, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Mais avec ce que je viens de vous dire, vous voyez, des curieux qui verraient un jour chez un antiquaire un tableau avec le Christ en croix, la Vierge, Saint Jean et Saint Jean-Baptiste pourraient se dire « Ah, mais peut-être que ça vient de Castanet ». Vous voyez ? Ah oui, tout à fait. Oui, et bien voilà, parce que, ça peut être des vieilles choses, on ne les met pas à la poubelle, à la décharge, hein, ça se fait pas. Bon, donc peut-être, il nous reste une chance de le retrouver. Voilà, et voilà, on a quantité d'éléments comme ça qui, petit à petit, ont permis de reconstituer l'histoire de l'Église. Et alors, Concernant la restauration qui va maintenant commencer avec la signature de cette convention, la chose importante et qui expliquait les désordres dans l'architecture, c'est que à l'origine, on a compris que l'église était toute simple, c'était une nef avec juste un petit transept et c'est tout. Mais au XIXe siècle, il y a une démographie qui devient plus importante et du coup, les paroissiens sont plus nombreux. Et ils ne peuvent pas rentrer dans l'église le dimanche pour l'office. Alors, on discute, les paroissiens, la commune aussi d'ailleurs, discutent de cette affaire. Et au final, on décide, parce que c'était la seule solution, de rajouter des bas-côtés. Et ces bas-côtés ont été faits, on les voit aujourd'hui, mais ils ne sont pas faits sur des fondations. Et donc, ils ont tendance à s'écarter aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a les fissures. Voilà. Donc, vous voyez, là, l'histoire, elle nous sert parce qu'elle nous permet de comprendre pourquoi il y a ce désordre aujourd'hui. Et donc, l'architecte, il peut réagir en disant « Je vais vous proposer la bonne solution pour réaliser donc les travaux à faire. » Voilà. Donc, l'histoire est très utile. Vous l'avez compris.